spectre est là ce soir. Toujours prêt à exploser derrière les arbres. Toujours prêt à se cacher. Bienvenue dans la confrérie des spectres. Bienvenue dans la confrérie des spectres. Le test est passé. Il devait boire du sang d'humain. Il a passé le test, le gars. Passer le test pour devenir spectre. Une année de formation pour devenir le spectre parfait. Le spectre parfait. Il a passé. derrière son arbre il se cachait. Derrière son arbre il se cachait. Tenez sa banane à la main. Derrière son arbre il se cachait. Bienvenue dans la confrérie des spectres, où les gens s'en foutent de tout. Bienvenue dans la confrérie des spectres, où les gens s'en foutent de nous. Ce qu'ils pensent c'est se branler sur nous.

Tiens, écoute ça, Siri. Ça, ça peut pas être ça peut plaire à Cyril, ça, par contre. Of this Thank you. See you.